arrête de me parler, cousin. Ha. T'es vraiment con. Ok. Ouais, hey. On t'a largué dans la jungle comme un éléphant sans défense. Autour de toi le chaos, tous les éléments se déchaînent. Tes tentatives c'est que des échecs. Tu comptes ce que tu reçois, tu comptes pas ce que tu dépenses. Tu n'agis que par instinct, tu penses jamais aux conséquences. Résultat, un coup de feu pour clôturer ton plan séquence. C'est vraiment ça que tu veux, arrête de jurer sur le ciel qui t'a jamais donné tes chances. Mais t'étais où quand j'avais la tête sous l'eau? Quand je devais payer le loyer en écrivant des solos. La tête qui bouge devant la sono, complètement défoncée, je suis capable de parler français. Et de l'argent j'en ai jamais eu, arrête de me parler comme si ce soir j'avais du caviar au menu. Mets-toi à ma place juste 20 minutes, fils de... Ouais, ouais, mais comme toi, des jeunes y'en a plein comme toi. Sois content d'avoir un toit, un daron et une ronda. Mais pourquoi t'as honte devant tes potes? C'est vraiment trop facile de dire que t'es pas né dans la bonne époque. Cette fille tu l'aimais tellement, mais t'as pas bougé un doigt quand elle a voulu partir. 3 ans que t'es célibataire, petit bâtard, c'est comme ça que ta famille tu vas la bâtir. Ouais, eh, plus jamais je crois en l'amour. J'ai tout donné pour une meuf, mais c'était jamais assez. Elle m'a trompé avec un fils de... Mais vas-y, c'est du passé. Et de toute façon, si bien je finirai pas en Valhalla. Je regarde le ciel, il m'a dit ah là là. Alors toi et tes conseils de quoi? Allez voir si j'y suis là-bas. Faut vraiment que t'apaises ton cœur. Tu fais comme si tout va bien, mais ton regard est trompeur. Tu lui as fait tes beaux yeux comme le plus beau des tombeurs. Elle t'a jamais calculé, toujours sur son répondeur. Alors maintenant s'il te plaît juste écoute-moi 2 minutes. Regarde-toi dans le miroir, t'es vide comme dans un tiroir. Dis-moi est-ce que t'es fier de ce que t'es devenu? Je t'ai trouvé des réponses mais tu veux pas m'écouter. Je sais pas pourquoi t'es buté, tu serais prêt à aller. Des fois ça fait du bien de réussir, mais des fois faut des fausses notes, ça fait du bien de louper. Le rap c'est bien c'est sympa, mais est-ce que tu crois vraiment qu'avec ça tu vas manger? Un tourbillon de danger, un ancien pote t'a trahi et du coup tu t'es vengé. Ils étaient 40 autour de moi, j'ai couru, j'étais prêt à lui niquer sa mère. Hey. Regarde-moi aujourd'hui, j'ai fait 15 fois son salaire. Alors t'as vu où j'en suis, tu tiens toujours tes paroles. Dans le fond, je sais que t'as raison, faut que je m'apprête comme l'apprendre.